Vous écoutez Fresh Air Radio Communautaire, KFAI, 90.3 FM à Minneapolis et Saint-Paul et en ligne sur kfai.org. L'émission que vous écoutez, c'est Bonjour Minnesota. Vous pouvez nous contacter au 612-341-0980 pendant les chansons, à l'adresse bonjourminnesota@gmail.com et en direct sur Facebook. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM, Minneapolis-Saint-Paul, and streaming at kfai.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota. You can call us at 612-341-0980 while the music is playing, or email us at bonjourminnesota@gmail.com. The music is not playing. I see someone's trying to call, but we can't really pick it up because we're on the air. So, good. Hello, hello. Bonsoir, Freddy. Comment ça va? Ben ça va et toi? Ben ça va, ça va. So tonight is another night of Pledge Drive. We are really excited about it. Yeah. And on top of that, it's also a celebration of Halloween. Yeah. Halloween. Halloween. It's like Alibaba. Hollywood. Alimentation. Mm-hmm. So because it's Halloween, I prepare a playlist that's going to be full of scary songs. Mm-hmm. Or Halloween songs, not necessarily scary. So it could be songs by Regine, or that's scary. Well, Regine is scary by herself. Oh, yeah, not her songs, actually. So, for those who don't know Regine, she was like a cabaret singer. Yeah. And she's still alive. She's still alive. Mm-hmm. She must be like, what, 160 or something like that? Yeah, something like that. And she still owns the Regine's clubs. Nice, very nice. So, tonight is Pledge Drive. We have the chance to have like a Thunderbird open so we can see the emails coming up and see if you're giving donations. And so I'm expecting to see a lot of email from you guys. And we have a special tonight that I just posted on Facebook like 10 minutes ago because I've learned about it like recently. We just got the email yesterday. The restaurant in Uptown called Barbette, for those who know, is offering two gift certificates. So we're going to, you know, give them to two different people for people who are giving money. So, one of the conditions is to give. So you can go to kfai.org and give and then call us when we'll be ready. So not quite right now because we first want to play some music and things like that. But of course. And get settled. So get ready. And offer number is 612-341-0980. Mm-hmm. And that's going to be while the music is playing. So we'll let you know when it's when we are ready to give away the gift certificate. Mm-hmm. Good. And of course, we're going to wait a little bit, so you're still a bit longer on the air, and you listen to us a little bit longer. But no more later than 10, because after that, it's going to be Balkan Jamboree. So we have some limits, unless Nicolas is not coming tonight, and we can stay all night long. But I doubt it. So we're going to start with three songs about Halloween. Mm-hmm. The first one is from Les Zut. It's a classic. I play it like almost every year. It's called Aujourd'hui, c'est Halloween. Today is Halloween. Then we're going to listen to Henri Dess, which is well known for doing kids' songs. And the name of the song is La Sorcière de Minuit, The Midnight Witches, a witch. Mm-hmm. And I always, when I see this song, I always think about La Sorcière de la Rue Mouffetard. Ah, oui. I didn't even read it, but... Was it a J'aime lire? It is very likely. Have it. I got it like recently on PDF or something like that. I think the Alliance Française was doing like a, a book club or some kind and with the kids. So I got it on PDF and I'm going to read it. But I think it was read to us like, you know, in a camp or... Yeah. At school, but in a camp. La Sorcière de la Rue Mouffetard. Yeah, Rue Mouffetard, which is in the 5th arrondissement in Paris. They have a fantastic market, as far as I've heard. And that's a street that we see in Amélie, where Monsieur Brodotto gets the phone call from Amélie. And, you know, he goes in that phone booth and sees in the phone booth the little box. where he put all of his treasures when he was like 8. Yeah, the time capsule. Yeah, and that's... Okay, I didn't know it was removed. I didn't pay attention. Mm-hmm. I haven't seen Amélie for a long time. I think I've seen it only once. Oh. I tried to... I have the DVD at home. Mm-hmm. I tried to force my son to watch it, and he didn't go for it. But I gave him another choice, and he went for the choice where there was more action scenes and stuff. Mm-hmm. But I'm still going to force him at some point. Oh, yeah. He's 17. He can take the orgasm at the beginning of the movie. All Chloe did when she was like 12. Oops. Spoiler. And then after that, there's going to be another fun song from for kids called La Chanson des Squelettes, The Song of the Skeletons. Ooh. Ooh. It's not super scary, but it's fun. Yeah. Eh ben, c'est parti, mon kiki. All right. I need to push the right buttons and put the right volume. On y va. And maybe not, but not quite. Oh, I know what's happening. It's not the right. No, is they have like another volume for the in. Pour toi pour Halloween? Ah. Bah non, moi j'ai pas eu peur moi. Aujourd'hui c'est Halloween, je vais me déguiser en citrouille. Je vais sonner chez la voisine et elle aura une de ses trouilles. Ah, ah, ah, ah. Je suis la fée Moglobine, je pustule, je dégouline. Je suis le vampire du soir, je te trouve de toutes parts. Aujourd'hui c'est Halloween, je vais me déguiser en citrouille. Je vais sonner chez la voisine et elle aura une de ses trouilles. Monstre puant, je suis tout vert, poisseux, gluant. Je suis le squelette qui boite, je grignote les omoplates. Aujourd'hui c'est Halloween, je vais me déguiser en citrouille. Je vais sonner chez la voisine et elle aura une de ses Halloween, je vais me déguiser en citrouille. Je vais sonner chez la voisine et elle aura une de ses trouilles. C'est la sorcière de minuit qui a cassé ma pendule. J'ai pas rêvé, y a un bruit au fond du vestibule. Et me voilà réveillé dans mon petit oreiller. Ah si j'étais Superman, Superman. Je lui balancerai mon nounours dans les jambes et mon oreiller sur la tête. Je la pousserai dans l'escalier, ça serait sa fête. Je la pousserai dans l'escalier, ça serait sa fête. C'est la sorcière de minuit qui a fait craquer l'armoire. J'ai pas rêvé, y a un bruit là-bas dans la nuit noire. Et me voilà réveillé dans mon petit oreiller. Ah si j'étais Superman, Superman. Je l'attraperai par le bout du nez, il est tordu, aussi tordu que ses guibolles. Elle pourrait plus m'embêter la vieille casserole. Elle pourrait plus m'embêter la vieille casserole. C'est la sorcière de minuit qui est repartie bien vite. Sur son vieux balai de riz, je l'ai vu prendre la fuite. Elle fait bien de s'en aller, pour mieux pas trop m'énerver, car si j'étais Superman, Superman, je lui aurais bien enfoncé son chapeau pointu et cassé son balai sur la tête. Elle aurait fini comme un vieux sac dans une brouette. Elle aurait fini comme un vieux sac dans une brouette. Elle aurait fini comme un vieux sac dans une brouette. Quand la pendule sonne une heure, un grand squelette ouvre les yeux. Quand la pendule sonne deux heures, deux grands squelettes s'habillent en bleu. Poumbe, poumbe, poumbe, poumbe, poumbe, poumbe, poumbe. Quand la pendule sonne trois heures, trois grands squelettes maquillent leurs yeux. Quand la pendule sonne quatre heures, quatre grands squelettes se brossent les cheveux. Poumbe, poumbe, poumbe, poumbe, poumbe, poumbe, poumbe, poumbe. Quand la pendule sonne cinq heures, cinq grands squelettes mangent des œufs. Quand la pendule sonne six heures, six grands squelettes jouent à un jeu. Poumbe, poumbe, poumbe, poumbe, poumbe, poumbe, poumbe, poumbe. Quand la pendule sonne 7 heures, 7 grands squelettes dansent un peu. Quand la pendule sonne 8 heures, 8 grands squelettes marchent de paire deux. Poumbe, poumbe, poumbe, poumbe, poumbe, poumbe, poumbe, poumbe. Quand la pendule sonne 9 heures, 9 grands squelettes vont faire la queue. Quand la pendule sonne 10 heures, 10 grands squelettes reviennent chez eux. Poumbe, poumbe, poumbe, poumbe, poumbe, poumbe, poumbe, poumbe. Quand la pendule sonne 11 heures, 11 grands squelettes se mettent au lit. Quand la pendule sonne minuit, 12 grands squelettes disent bonne nuit. Poumbi, poumbi, poumbibi, poumbi, poumbi, poumbibi. Comment ça va le monstre ? Oh ben, je suis trop content franchement. Tu m'as fait une chanson et pour une fois je fais pas trop flipper. Et voilà, nous sommes de retour. Exactement. So what did we listen to that scared us so much? So much? No, I didn't get scared very much. Well, you had to leave the studio. That's true, but it was a natural need that I needed to... I thought it was because you were scared. I wasn't that scared. Oh. Well, so, you say that on the air, but... Chambreur. So we just listened to Les Ultes. It was the first song of the series, of the set, of the three songs. And it was Aujourd'hui, c'est Halloween. Today is Halloween. Which is not true. It's not true today. It'll be true on Sunday. So play that song on Sunday. It'll be true. Mm. And then after that, it was Henri Dess with La Sorcière de Minuit. Mm. And then Babel Zone with La Chanson des Squelettes. Ooh. Yes, so it's still pledge drive, so feel free to give us some money. You can give us as little as you can and as much as you can as well. So that's that would be great, and we really appreciate it. And so some of the donors all going to be the ability to call and to ask for a gift certificate for Barbette whenever we're going to be ready. So I'll let you know about it. But Barbette, the restaurant in Uptown on Lake Street, is offering two gift certificates, and they are of a value of $50. So it's pretty decent. It's not like $25 where you get like half an aperitif or, mm-hmm. I mean, you get the drinks at least, but you get the entree and mm-hmm. yeah, it's nice. So mm-hmm. yeah, well, thank you, Barbette. Thank you, and they have wonderful fries. Oh, I need to bring my son to to these places, to the places that have wonderful fries, because in some of the pubs or bars mm-hmm. or things like that, they do great fries. I like them. But my son is very particular. I mean, the ones at Barbette are... Mm. He likes not only the shape to be thin, but not too much salty and not too greasy and things like that. He's very sensitive to texture and... how do you call that? Taste, but just like... The touch. To the touch, it's sometimes he's going to be super good with pizza, but if he gets like some sauce on the side of his mouth, he has to wipe it out right away. So he can't really handle. So sensitivity, I guess. Mm-hmm. All right. So in the meantime, one of the reasons we ask you to support us is because GFA is a nonprofit. And we're all volunteers except for like three or four staff members. Yeah. And even if they hire a little bit more, I mean, typically, I think the highest I've seen it is like six staff members. So mm-hmm. all the people on the air, most of the people on the show you listen to, they are volunteers. Yeah, volunteers. So, yeah. And we need to keep the lights on, and we need to keep the equipment and to be able to do some events and things like that. So, that's one of the reasons. And we're going to listen to more songs. So we're going to listen to another set of three. We heard just a little bit of the beginning of Aldebert with Le Monstre, the Monster, featuring Alain Dorval. Then we're going to listen a song from M with also Vanessa Paradis with mm-hmm. Un Monstre à Paris, The Monster in Paris from the animated movie. This version is alive from 2020. From Le Grand Petit Concert. Exactement. Maison. And then a song from Renaud called Y a un monstre sous mon lit. Ah oui. There's a monster under my bed. That's from his album for kids, right? Yeah. It's called Les Mômes et les Enfants d'abord. Mm-hmm. So the kids and the children first. Yep. So Renaud is often at a lot of funny play on words. Oh, so yes. Something's obvious. A little bit like La Palisse. All right. And do not hesitate to give us money. KFAI.org, you can give as little as you want. You can become a sustaining member. There are some premium based on how much you give. And it goes from sticker to T-shirt to hoodies. So, nice. And T-shirt and hoodies and stickers have the new, it's not the new logo, but it's a logo specifically for that pledge drive. Mm-hmm. And it's a very interesting one. Oh, it is. So, all right, on y va. C'est parti. And why do I have no sound? I don't know. Oh, I know why I have no sound. Because you didn't start the song. Je suis trop content, franchement. Tu m'as fait une chanson. Et pour une fois, je vais pas trop flipper. Je voulais te rendre un genre d'hommage, tu vois. Je comprends, c'est sympa de ta part, remarque, mais attention. Tu sais, les hommages, c'est quand on est mort. Mais les monstres, ça ne meurt jamais. Elles habitent le monde entier, qui sont ces créatures que nous avons fabriquées parce que ça nous rassure. D'inventer des chimères pour conjurer nos peurs, de fantômes en cerbère, de démons en pâleur. T'en as vu du pays, tu l'as roulé ta bosse. Ah, comme tu dis, oui. De la Transylvanie aux Highlands d'Écosse. On te nomme Croque-Mitaine, Léviathan ou Momie. Frankenstein, Corrigan, Ghoul, Succube ou Yeti. Le monstre c'est toi, le monstre c'est moi. Es-tu vraiment caché derrière chacun de mes pas? Le monstre c'est moi, le monstre c'est toi. Bien trop souvent, c'est celui que tu ne connais pas. Bon, en même temps, faut les comprendre les mots. C'est vrai qu'à côté d'un chaton, d'un bébé licorne, bon ben, je sais, je fous la truche et je peux pas lutter. Quand le soleil couchant dessine des silhouettes, combien y a-t-il d'enfants bien cachés sous la couette? Oh, 10-12, c'est tout. Tout autour de la terre voyagent les frissons. Bonne nuit les petits. L'épouvante, la frousse, les pétoches, les jetons. Tu es Chupacabra à Porto Rico, sur les rives des grands lacs, l'effrayant Wendigo. Mais quand tu n'as ni dents pointues, ni tête de démon, eh ben on a la tête qu'on a. Des fois t'es l'inconnu, des fois t'es l'abandon. C'est déjà ça. Le monstre c'est toi, le monstre c'est moi. Es-tu vraiment caché derrière chacun de mes pas? Je suis là. Le monstre c'est moi, le monstre c'est toi. Bien trop souvent c'est celui que tu ne connais pas. J'en ai visité des dessous libres, j'en ai fait grincer des portes dans la nuit. J'ai perdu patience dans bien des armoires pour donner naissance à tous vos cauchemars. Désolé le monstre, tu ne me fais plus peur. Ah bon? J'entends dans la pénombre les battements de ton cœur. Sors de mon armoire, je te prête mes chaussons. Ça, c'est gentil. Passe-moi la guitare et viens dans ma chanson. Ah ouais, avec plaisir. Le monstre c'est toi, le monstre c'est moi. Es-tu vraiment caché derrière chacun de tes pas? Le monstre c'est moi. Oh, oh, oh, ça dépend des fois. Bien trop souvent c'est celui que tu ne connais pas. Le monstre c'est toi. Ouais mais c'est chacun son tour, ce qu'on avait dit non? Es-tu vraiment caché derrière chacun de mes pas? Le monstre, c'est moi. Attends, c'est pas parce que t'as une grosse voix que ça y est. Bien trop souvent, c'est celui que tu ne connais pas. Les monstres, c'est nous. Les monstres, c'est vous. Faut tout leur dire à ce jeu. Je cache ma lumière sous ce manteau noir, cette écharpe rouge et ce chapeau. Je cache mon cœur sous ma carapace. J'ai bien trop peur qu'il ne se lasse, qu'il ne se casse. J'ai lu dans le journal, écrit en lettres capitales, un monstre à Paris. Je suis à part, je suis à part, je suis à part, vraiment à part, rue à Paris, vers minuit. Je cache mes espoirs, je les dissimule. J'ai bien trop peur qu'ils ne s'envolent, car je suis un monstre à Paris. Un monstre à Paris. Thank you. un monstre sous mon lit. Je crois qu'il a fait pipi. T'étais sûrement planqué derrière le canapé. Il devait être roulé en boule dans mes fringues en vrac. C'est pas franchement super cool et ça me fout le trac. Moi j'en ai un petit peu marre. Toutes les nuits flipper à mort. Toutes les nuits faire des cauchemars. Pourtant je suis très très fort. Il bouge pas, il fait silence. Je sais qu'il est là. Je l'attends avec impatience, assis sur mon matelas. Et s'il bouge une oreille, je lui fracasse la tête. Je téléphone à Popeye, le plus fort de la planète. Y'a un monstre sous mon lit, je crois qu'il a fait caca. Non mais il se croit chez lui, en dessous de mon lit à moi. Il a beau pas faire de bruit, je le sens qui bouge. Même s'il se cache dans la nuit, je vois un truc rouge. Il doit avoir d'atroces dents, va me dévorer tout cru. Et s'il rentre dedans, moi je lui monte mon cul. Je lui fous une branlée d'enfer, je lui fais bouffer ses poils. Je ligote au fil de fer, je lui arrache ses écailles. Même si j'ai un petit peu peur, je ne crains pas ce gros nul. J'adore pas les films d'horreur où les monstres pullulent. Y a un monstre sous mon lit, je crois bien qu'il a vomi. Ça sent un peu la marée, une odeur à gerber. La peinture est à mouffeter, où j'appelle ma mère, qui va encore me gronder, me faire des misères. Au lieu de me consoler, elle va me faire la morale, pour que je pionce comme un bébé, qu'elle me foute une mandale. N'empêche que si c'est le diable qui est planqué sous mon pieu, bien que je crois à peau de balle, je veux bien croire en Dieu. Qu'il me bénisse, qu'il me protège, moi qui n'ai peur de rien. J'ai 10 ans et bientôt 13, je suis encore qu'un gamin. Y'a un monstre sous mon lit, je crois bien qu'il a pété. Je vais continuer ma nuit, ce dragon à mes côtés. Et voilà. Nous sommes de retour. You still listening to Bonjour Minnesota on KFAN Radio? It's still Pledge Drive. It is still Pledge Drive, so you can give at any time, any moment of the day or night, 24/7, at kfa.org. We don't have any people on the phone taking collections, but when they're on the phone, they are getting the same information that you enter on KFA.org, pretty much. So, plus on KFA.org, you can choose the premium that you want. So, we want to thank you, Garth, for his donation. Yep. And Kelly also for her donation from last week. And I mean, everybody who's been supporting us throughout the years, you know, sometimes we don't really know that people have been giving because they've been giving to naming other programs, because people don't always like only one program, you know, they like several. And so they rotate. But we know that you're supporting the station, and that's what's really that's important. What matters, yeah. Yes. And seems like, I mean, I was listening to the board of directors yesterday, and it seems like 2020 with the COVID we did really okay. You know, like reducing expenses and still having some revenues coming in and things like that. So that's good. That's good. We like community radio, so this way you have the choice. And as I said to people who don't really know KFAI, I dare them that in a week to find something. I mean, they have to have at least one thing that they like throughout the week. I mean, whether it's like a program like ours, which is playing more French music and talking about French culture or in French language, or, you know, I mean, it's by theme. There's also other culture represented, other languages, but sometimes it's like having Deserted Island or the Jamaican show. Well, actually, one of my students, she now listens to us, even though she's not French. She discovered KFAI, and her husband is from, I think, Jamaica. And they discovered the Jamaican show. on Sundays, I think, or Saturdays. I think it's Saturday. Before Tempo's yes, Fair, it's on which is at 7. Yeah, and just love it. Yeah, lots of choices also as far as web show is concerned. And one of the advantages, our shows are all recorded when we do it. So they are all archived. So if you miss us live, you can catch us the next day, the next week, the next... I mean, we have archived for like going back forever. Mm-hmm. At least for Bonjour Minnesota, goes back to 2018 on the website, on the KFI. Like 2012 on... Isn't it 2012 on archive... 2014, I believe. 2014. Or maybe 2012. I don't know. We can go even further, but I have to really like start nagging Mason because they're on DVDs and it's like a whole day kind of deal. So you have to, if you want to extract the audio file, you have to extract the whole day and kind of cut the... Just the one we need. I wouldn't mind doing the full day. Yes. Yeah, mm-hmm. but indeed, it's show by show, so it takes much longer. Yeah. And I finally started to... So we had two co-hosts being there for a very long time, Karil and Olaf. Olaf was Georgetta's band. Mm-hmm. And Olaf passed away last year. And Olaf's daughter contacted me and said, like, he always wanted to give, you know, the music collection, the French music, to KFAI and to Bonjour Minnesota. So I finally... took the CDs out. It's been a little bit. I mean, I did the ones from Karil first, and I had quite a few. And now I have, she has even more. But a lot of great music. Mm-hmm. There's going to be like some local music from France, whether it's Brittany, whether it's Corsica, whether it's Le Berry or something like that. But a lot of recent or you know, artists from the 80s, 90s. So Bachou, Michelin, I mean, Patricia Cass, Florent Pagny, I mean, and some more classic like, you know, Trainé and Piaf. Of course. But yeah, so some pretty cool stuff. Awesome. New music coming up. Yeah. And that'll be fun to be able to be able to discover more. All right. Well, talking about some of the classic, well, you guys are busy giving us money on KFAI.org. We don't really have a great visibility about what is being given and when, but lately they've been able to put an email inbox. So if you give tonight, I will see your name and be able to thank you. And later on, probably after this series of songs, like after for the next series, we have to give certificates from Barbette, the restaurant in Uptown, Minneapolis. So we'll be taking calls, not... during this the upcoming set, but the set after that, during the music. So now we're gonna listen to three songs. The first one is gonna be from Charles Trenet, called La Java du Diable, the Java of the Devil. Then Juliette Gréco with Ça va le Diable, and I believe it's a song from Jacques Brel, but the interpretation is different. And then, L'amour tombé des nues, avec from les Ted Red. So, all right. C'est parti. On y va. Un jour, le diable fit une java qui avait tout l'air d'une mazurka. Valsa trois temps, il ne savait pas ce qu'il venait de composer là. Aussitôt la terre entière par cet air fut enchantée. Des dancings au cimetière, tout le monde le chantait. On le dansait à petits pas, et bien souvent, aux heures des repas, le diable venait sur sa java frapper du pied dans les estomacs. Des petits malheurs vite commencèrent, car ce refrain de Lucifer planait partout, tout de suite à Paris, circonvenant bien les esprits. Vers la fin du mois de décembre, un député pris de court à la tribune de la chambre dit dans son discours: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, c'est mon programme, est-ce qu'il vous plaît? À coup de fusil, on l'eut l'abattre, il expira au deuxième couplet. la salle Pleyel n'écoutait plus. Les grands concerts, un seul lui plut, celui où le chef d'orchestre met là Sébastien Bach et la Java. Ronde folle, ronde folle, brusquement un grand acteur, au beau milieu de son rôle, trahit son auteur. Duc de Reichstadt, avez-vous dit non, non? Et savez-vous quel est mon véritable nom? C'est celui qu'au prater, la foule qui s'écarte, murmure autour de moi, le petit Bonaparte. Je suis son fils, rien que son fils. Et 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ah, quelle pagaille dans le théâtre! Les spectateurs montèrent sur scène, l'œil en fureur et le geste obscène. Au-delà des mers, ce fut bien pire. Le mal gagna, c'est trop affreux. Il lui fallait, pour son empire, jusqu'au pôle Nord et la terre de feu. Mais le plus terrible ravage fut dans le monde des banquiers, où la grande Java sauvage fit des victimes par milliers. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, hurlaient New York et Chicago. L'or se vendit au prix du plâtre et le cigare au prix du mégot. Puis un jour tout devint tranquille, on n'entendit plus du Java. Dans les champs et dans les villes, savez-vous pourquoi? Parce que le diable s'aperçut qu'il ne touchait pas de droit d'auteur. Tout ça c'était de l'argent foutu, puisqu'il n'était même pas éditeur. Tout ça c'était de l'argent foutu, puisqu'il n'était même pas éditeur. Allez, remportons notre musique et retournons en enfer. Un jour, le diable vint sur terre. Le diable vint sur terre pour surveiller ses intérêts. Il a tout vu, le diable. Il a tout entendu. Et après avoir tout vu, après avoir tout entendu, il est retourné chez lui, en bas. Et en bas, on avait organisé un grand banquet. À la fin du banquet, il s'est levé, le diable. Il a prononcé un discours. Et en substance, il a dit ceci. Ça va ? Il y a toujours un peu partout des feux illuminant la terre, ça va. Les hommes s'amusent comme des fous dangereux jeux de la guerre, ça va. Des trains déraillent avec fracas, parce que des gars pleins d'idéal mettent des bombes sur les voies. Ça fait des morts originales, ça fait des morts sans confession, des confessions sans rémission, ça va. Rien ne se vend, mais tout s'achète. L'honneur et même la sainteté, ça va. Les États se muent en cachette. En anonyme société, ça va. Les grands s'arrachent les dollars. Venus du pays des enfants, l'Europe aurait été l'avare. Dans un décor de 1900, ça fait des morts et l'inanition. Et l'inanition des nations, ça va. Les hommes, ils en ont tant vu que leurs yeux sont devenus gris, ça va. Et même l'on ne chante plus dans toutes les rues de Paris, ça va. On traite les braves de fous et les poètes de nigauds. Mais dans les journaux de partout, tous les salons ont leurs photos. Ça fait mal aux honnêtes gens et rire les malhonnêtes gens. Ça va, ça va. Eh ben, à part ça, ça va. Un samedi du Moyen-Âge, une sorcière qui volait vers le sabbat sur son balai tomba par terre du haut des nuages. Madame la sorcière, vous voilà tombée par terre. Oh oh oh, sur votre derrière et les quatre fers en l'air. Vous tombez des nues, toutes nues, par où êtes-vous venue? C'est au trottoir de l'avenue. Vous tombez des nues, sorcière somnue. Vous tombez des nues, vous tombez des nues. Sur la partie la plus charnue de votre individu, vous tombez des nues. On voulait la livrer aux flammes, cette sorcière qui volait vers le sabbat sur son balai pour l'ascension. Quel beau programme! Oh, oh, oh, Oh, voit la classe en séraphin grand rond par terre. Oh, oh, oh, quel coup de tonnerre. Il tombe à l'eau à flot et l'eau tombe des nues. Toute nue, éteint les flammes ténues et rafraîchit la détenue. L'eau tombe des nues, averse bienvenue. L'eau tombe des nues, l'eau tombe des nues. Et la sorcière, c'est l'avenue, oui, mais dans l'avenue, l'eau tombe des nues. Qu'elle était belle, la sorcière, les présidents du Châtelet, les gendarmes et leurs valets la regardaient dans la lumière. Et un éclair qui brille, et ses beaux yeux qui scintillent. Et notre cœur pétille, nous sommes sourds d'amour, nous tombons des nues, elle est nue, oui mais notre âme est chenue, nous avons de la retenue, nous tombons des nues, sorcière saugrenue, nous tombons des nues, nous tombons des nues, qu'on relaxe la prévenue, elle nous exténue, nous tombons des nues, et je me tombe des nues. Tombe des nues, le monde entier tombe des nues, l'amour est tombe des nues, et vive les femmes nues. Et voilà, we are back, still listening to Bonjour Minnesota on KFAI Radio. With Romain and Freddy. Yay! So we just listened to three songs. The first one was from Charles Trenet, La Java du Diable. Spooky. Then, Juliette Gréco with Sava le Diable. And then Little Thread with L'amour tombé des nues. Where he's talking about witches and things like that. So, as I was saying earlier, we have two gift certificates from Barbette. And we're going to give one away soon. So, we're going to play three more songs. And you can call 612-341-0980. Am I correct? 3410980. Yes, you are. Oh, I said 80. So, and yeah, you just call us, and we'll need to take your name, address, phone, email, zodiac, your sign of zodiac. I mean, if we have your date of birth, we can figure out, you know, what sign you are. Yeah. But we won't ask for your date of birth, even the month or something like that. That won't be appropriate. No. And yeah, so we'll give it away. You still, you have to give some money to KFAI, so kfai.org. And when the music is playing, you can call us. Because I see that somebody's calling right now, but we can't answer because we're on the air. We're live. So we're going to listen to Zizi Jeanmaire with Vamp et Vampire, Le Grand Orchestre du Splendide with La Magie Noire, mm-hmm. Black Magic, et Notre-Dame de Paris, with La Sorcière. But we need to play some announcements first. Exactly. This is Nyx the Spooky Cookie from Shadow Planet. Want to chat with your favorite DJ, learn what song is playing, suggest your favorite songs, or interact with other KFAI superfans? Join us on our Discord channel now at kfai.org/chat. This is the Minnesota Dose on KFAI, sharing news and information about COVID-19. The state of Minnesota is offering more incentives to get vaccinated, this time focusing on youth. In an effort called Kids Deserve a Shot, Minnesotans 12 to 17 years old who start and complete their two doses of COVID-19 vaccine between October 18th and November 30th are eligible. What do they get? A $200 gift card. Minnesotans in that same age range are also eligible to be entered into 5 college scholarship drawings for $100,000 each. To be eligible, they just have to have completed their vaccine series anytime in 2021. For more information or to register, just Google the phrase mn.gov, Kids Deserve a Shot. Again, you can register or get more information by searching mn.gov, Kids Deserve a Shot. For the Minnesota Dose on KFAI, I'm Ryan Dawes. hey, if you want to give a donation, unfortunately, we cannot do it by phone, but go to kfai.org and the main page. If you scroll down, you will be able to see all the information you have to enter. So on y va, we'll listen to the music. And if you want to call back once you give to kfai.org to call us at 612-341-0980 for the gift certificate for Barbette. On y va. Because les seins, because les reins, because l'amour, because toujours. Because très belle, because cocktail, because au bar, because dollar. C'est vampire, c'est vampire, on peut pas rêver pire. C'est vampire, c'est vampire, ça te suce et t'expire. Gershwin, because Berlin, because magic, because musique. Because smoking, because dancing, because baiser, because money. C'est vampire, on peut pas rêver pire. C'est vampire, ça te suce et t'expire. Voiture, because fourrure, because bijoux, because de tout. Because ça change, because un ange, because déchu, because perdu. C'est vampire, on peut pas rêver pire. C'est vampire, ça te suce et t'expire. Sorcier, un grand marabout, bout de ficelle, célibat, baobab, babacool. Je fais de la magie avec mes gris-gris-gris souris. Si tu en as marre, marabout, bout en te traîne, banlieue. Goûte ces champignons, ça ira beaucoup mieux. J'en avais assez de patauger dans l'eau d'ici. Marabout, j'ai donc décidé de naviguer dans l'au-delà. Marabout, tap. Je vois des lamas, des marabouts. Des prêtres incas et des sorciers au rouge. Je croise pour voir incantatoire de la magie noire. Abracadabra. Afin d'harmoniser mon yang avec mon yin, dans le massif central je faisais mon jogging. Quand j'aperçus un temple au détour d'un taillis, un gourou au regard doux me dit: confie-moi ta maison, ta voiture et tous tes sous. Oui. Et rejoins les autres servantes de ton gourou. Oui. Avec elle tu vas chanter en chœur à oum, à oum. Avant le gros voyage pour l'au-delà. Oh. J'en avais assez de patauger dans l'Odyssée. L'Odyssée, l'Odyssée. J'ai donc décidé de naviguer dans de boum, boum, boum. Je vois des lamas, des marabouts, des prêtres incas et des sorciers rouges. Je croise pour voir un cantatoire de la magie noire. Abracadabra. Qui suis-je, où vais-je, d'où viens-je, l'avenir est obscur. Quelles furent mes vies passées, que serais-je dans le futur. Voyons une voyante pour savoir dans quel et de cosmétiques. Ah oui, vous êtes une adepte de la chirurgie esthétique. Oui, vous serez cobaye de laboratoire, espèce de cru. Ah bah, au revoir, petit rat, c'est gentil d'être venu. Oh, j'en avais assez de patauger dans l'Odyssée. J'ai donc décidé de naviguer dans l'au-delà. Oh, et du bâton. Je vois des lamas, des marabouts, des prêtres incas. Et des sorciers vaudous. Je croise au pouvoir incantatoire de la magie noire. Cette fille est étrangère. C'est une bohémienne, une sorcière. C'est une chienne, une chatte de gouttière. Un animal qui traîne pieds nus sur les pavés. C'est un péché mortel à regarder. Il faudrait la mettre en cage. Qu'elle ne fasse plus de ravages dans les cœurs, dans les âmes des fidèles de Notre-Dame. Ce soir, nous la suivrons dans les ruelles et nous l'enlèverons. Nous l'emprisonnerons dans une tourelle et nous lui montrerons la religion de Jésus-Christ et de sa sainte mère Marie. Tu me demanderais n'importe quoi, je le ferai pour toi. Tout ce que tu voudras, tu le sais. Tout ce que tu voudras, je le ferai pour toi. Je le ferai pour toi. Quand tout le bas du bas de la ville s'évanouit, y'a que ton souffle dans mon cou, pas un bruit. Quand tout pépé du fond de mon lit, ça monte, ça monte, ça monte et ça grandit. À travers les planchers, les plafonds, les tapis. Ça monte, ça monte, ça monte et ça grandit. Et c'est quoi? Et c'est qui? Et ça frappe et ça tape. Et ça crache et ça clash. Toi aussi, est-ce qu'il joue pour moi ou est-ce qu'il joue pour lui? Le bass drum qui résonne et le snare et les tonnes. Est-ce le batteur de Dieu ou le batteur du diable? Est-ce le batteur de Dieu ou le batteur du diable? Du fond, du fond, du fond des glaciers, sur la neige empilée par des milliers d'années. Au nord, du nord, du nord de Frobisher Bay, sous le soleil de minuit, des Inuits tannés. Si près du pôle que les boussoles deviennent folles, et dans la what the fuck, le temps est conjoint. Soudain les sirènes, des baleines, un ours blanc, la folie. Les bandits se déchirent, et nous se mettent à hurler. Et ça frappe, et ça tape, et ça crache, et ça clash. Longtemps, toi aussi, est-ce qu'il joue pour moi ou est-ce qu'il joue pour lui? Les cymbales de cristal, les rafales de timbales. Est-ce le batteur de Dieu ou le batteur du diable? Est-ce le batteur de Dieu ou le batteur du diable? Dans les dunes lunaires et les serpents autour des pattes des dromadaires. Des hommes bleus qui fument du gif dans le feu de l'air. Soudain un simoun des entrailles de la terre fait trembler l'oasis, y vibrer les berbères. les clochettes, les colliers se mettent à faire la lumière et des bruits qui mettent un train en fer. Et ça frappe, et ça tape, et ça crache, et ça clash. Tu l'entends toi aussi, est-ce qu'il joue pour moi ou est-ce qu'il joue pour lui? Est-ce le batteur de Dieu ou le batteur du diable? Est-ce le batteur de Dieu ou le batteur du diable? Est-ce le batteur de Dieu ou le batteur du diable? Est-ce le batteur de Dieu ou le batteur du diable? Et voilà, you're still listening to Bonjour Minnesota on KFAI Radio. Yes, and we have a winner for the gifts, the first $50 gift certificate at Barbette. Yeah. That's Philip. Yes. So, félicitations, Philip. Yes, congratulations. So, we're going to give the information to Barbette, name, address, and things like that. And they'll be the one sending... sending the gift certificate. Yeah. And shoe size, because I think they may also send a pair of shoes. No. No? That would be the boots. Ah. That would be your boots. but we're going to give another one shortly, so another one away. So if you... During the second hour. Yeah. So stay tuned. Yeah, but because the second hour is coming up soon, so... Well, actually, in a little over a minute. Yeah, I think we should do the announcement too. I'm going to talk about the songs first. So we just listened to four songs actually because we were on the phone. So the third song, like When and Gone. The first song was from Zizi Jeanmaire. And I always find her name funny. Yeah. I mean, like Zizi is like, yeah, means pee-pee in French. Mm-hmm. So with Vamp et Vampire, and it's from a CD called Vamp et Vampire. And the CD is... about Vamp et Vampire. My gosh, you're so bright. I know. Yeah. That's why you're here. Of course. And it's full of songs of Serge Gainsbourg interpreted by others. So this is one of them. Mm-hmm. But there's also, all the other people like Catherine Deneuve and on this album. It's pretty cool. And then after that, it was Le Grand Orchestre du Splendide with La Magie Noire. Mm. And after that, it was Notre-Dame de Paris, so the musical with La Sorcière, the witch. And just now, it was Robert Charlebois from Quebec with Le Batteur du Diable, the devil drummer. Mm-hmm. And yeah. If they talk about a batteur and a drummer, because that could be a batteur like an egg beater. Yeah, it could be. I don't know, actually. I mean, I listened to the song. I'm not 100% sure that it's a drummer. Well, I don't know if that would make a lot of sense that the devil has an egg beater. Yeah. Yeah. Or maybe it's like a clothes beater, you know, like when they used to do like the laundry. Oh, yeah. Outside and stuff, they had a clothes beater. Yeah. All right. Des lavandières. Exactement. You are listening to Fresh Air Community Radio, KFAI, 90.2 FM, Minneapolis, St. Paul, and streaming at kfai.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota. You can call us at 612-341-0980 in the studio while the music is playing or email us at bonjourminnesota@gmail.com. Et vous écoutez Fresh Air Radio Communautaire, KFAI 90.3 FM à Minneapolis et Saint-Paul et en ligne sur kfai.org. L'émission que vous écoutez est Bonjour Minnesota. Vous pouvez nous contacter au 612-341-0980 pendant les chansons ou à l'adresse bonjourminnesota@gmail.com. Et voilà, so it's still play drive until tomorrow night. I've heard that it might be extended a little bit. But to Thursday, maybe. But it sounds like we're getting closer to the goal and... You know, the goal is helping us pay the bill, pay the electricity, replace the equipment. Not paying a fortune for for a CEO or for some people like that, because staff is very limited and mostly managed by volunteers. So, yeah. So if you want to keep listening to KFAI and you like us and appreciate us, show your support. Yeah, financially. We will appreciate it. Help. Yeah. We're going to listen to more songs. Oui, oui, je veux mon neveu. So tonight we are celebrating Halloween because it's the week before, so it's a spooky night. So the theme is like Halloween and monsters and zombies and things like that. So we're going to listen to two songs from Thomas Fersen. Oh, I like him. We've not listened to Thomas Fersen in a while. Yeah, that's true. Les zombies du cimetière, the zombies in a cemetery, is the first song we're going to listen to. The second song is called Dracula. And the third song we're going to listen to is from Arthur Ashe, and it's the song I talked about recently called Nosferatu. Ah oui? Because I was listening to that song in the car, I showed up at Target, and turns out that I had my Trident t-shirt with Nosferatu, and the guy at the checkout was saying, oh, I've seen the colorized version of Nosferatu, and that was terrible. I said, yeah, the original is probably much better. But he had never gone to the Trident, so I said, like, yeah, you should go. It's not very far. Trident is, you know, by Minnehaha, and it's an independent theater, and you can buy your tickets online. And soon, actually, there's a Werner Herzog retrospective at the Trident, and his version of Nosferatu will be playing. Nice, very nice. All right, on y va pour la musique? Eh ben, allez, tout pour la musique, tout comme dirait France Gall. La lune était si pleine que le coq a chanté. J'avais les jambes en laine, les yeux exorbités par la vue de cinq noctambules qui avançaient les bras tendus à la façon des somnambules. Quatre noyés, un pendu. C'étaient des zombies du cimetière qui ne retrouvaient pas leur trou. Alors j'ai claqué la portière, j'suis parti sur les chapeaux de roue. La lune était si pleine que le coq a chanté. J'avais les jambes en laine, car en réalité c'était bizarre dans ma voiture. Ça me donne encore des frissons. J'trouvais que ça sentait la friture. J'trouvais que ça sentait le poisson. C'étaient les zombies du cimetière qui ne retrouvaient pas leur trou. Assis sur ma banquette arrière, c'est ça qui sentait le mérou. Avec la tête comme une pomme cuite, pareil à des bébés furieux. Quand ils veulent le biberon tout de suite, ou quand c'est l'heure qu'ils aillent au pieu. Bref, il valait mieux que je me taille. Ils marchaient comme des automates, dégoulinant de sauce tomate, sapés comme des épouvantails. C'étaient les zombies du cimetière qui ne retrouvaient pas leur trou. J'ai couru sans regarder derrière. Chez moi j'ai tiré le verrou. La lune était si pleine que le coq a chanté. J'avais les jambes en laine, mon cœur s'est arrêté. Dans le salon y avait du monde qui s'était parfumé. Avec une autre colonne immonde, la télé était allumée. C'étaient les zombies du cimetière qui ne retrouvaient pas leur trou. Regardez sur la première de la fortune tourner la roue. Tourner la roue de la fortune, les yeux comme des boules de loto, pour prendre un maximum de thunes et pas se tuer au boulot. Seulement 1 million, c'est moi qu'il touche. Je vois sortir mes numéros. Je les ai embrassés sur la bouche et j'ai filé en petit trot. Voilà l'histoire de ces défunts. Quatre noix. noyé un pendu. Noyé pendu et mort de faim, qui avançait les bras tendus. La lune était si pleine que le coq a chanté. Ces pauvres âmes en peine, ces pauvres regrettés, ces pauvres vieilles loques n'ayant rien à becter. Ils ont plumé le coq et on ne l'entend plus chanter. Et me délecte de ta chair offerte. Donne-moi toute ta substance devient peau remplie de vide, traversée par le néant. Je suis l'infâme, l'irrespectable, suceur de sang. Je suis l'ennemi, nuit infinie, vampire du vent. Je suis le crime, instant sublime, festin gourmand. Nosferatu, ami mortel. Puissance décuplée, une dernière goutte de sang et je disparais, laissant le goût amer de mes crocs dans ta jugulaire. Je suis l'infâme, l'irrespectable, suceur de sang. Je suis l'ennemi, nuit infinie, vampire du vent. Je suis le crime, instant sublime. L'immense, l'impressionnant, le mort-vivant. Je suis le pire, dernier soupir, sanguinolent. Mon Nosferatu. Un délice onctueusement rouge, tu blanchis sous ma puissance décuplée. Une dernière goutte de sang et je disparais, laissant le goût amer de mes crocs dans ta jugulaire. Nosferatu. Je suis l'infâme, l'irrespectable. Et voilà. Bienvenue si vous nous retrouvez maintenant. Yeah, but if you're not, you're still listening to Bonjour Minnesota on KFA Radio. With Freddy. And Romain. Et oui. Adrien is going to be back another time. And we just listened to three songs. So Thomas Fersen, which I like very much. Mm-hmm. I discovered it early 2000, so I have a lot of CDs. It's kind of like silly songs with word on plays and very usually uplifting and very nice. So the first song was Les Zombies du Cimetière. The second song was Dracula. And after that, it was Arthur Ashe with Nosferatu from his album Amour Chien Fou. Ooh. Yes. And it's still pledge drive, so feel free to give us money, kfai.org, you can give online. And there are some premium from KFAI, so depending on the amount that you're giving, you can select the premium that you want. So it goes from starts I think at 35 with the sticker. And after that, I'm getting there. There are t-shirts and the price, if you want to give, it's about $100, it's 90.3 exactly, like the frequency. And you could also, for $100, there's a shirt plus sticker combo. And then for $160, you can get a hoodie. And I have one of the hoodie that they did the previous years mm-hmm. for the 40th anniversary. Like this time, the logo in the back, it's not the KFI logo, but like a design that was done on purpose by an artist. And it's a great one. It's a great visual. So check it out. I think I'll post them on social media. But if you go to kfai.org, you can click on the drop-down for the gifts and you can see the pictures. And if you scroll down, the pictures are below. Other way you can support us, donate your vehicle or do underwriting. If you have a company or a nonprofit that wants to do some underwriting, you know. And it's more than welcome. Eh bien, très bien. KFAI.org and donnez. At least until tomorrow night if it's not getting extended. And we're going to listen to more songs. Mais oui. The theme is Halloween, so we've spooky been listening stuff. To a lot of like zombies, Dracula, witches, sorcières, magie. We're going to listen to a song called Fantôme Adoré, so The Lovely Ghost. It's by Paris Combo. It's from their album 5 from 2013. And the main singer, La Belle du Berry, is singing this one. And we miss like her. Most of them. And we miss her. She passed away like... Last year? Yeah, last year. Or maybe even... Maybe 2 years ago. Oh, yeah. No. No, 2 years ago, that's when we saw them at the Dakota. Oh. No, so it's last it was year then. In 2020. Yeah. And after that, we're going to listen to Lerita Mitsuko with La Sorcière et l'Inquisiteur. Ooh. The Witch and the Inquisitor. Mm-hmm. Inquisitor. Inquisitor. Yeah. And then MC Solar with Zone des Zombies. Mm-hmm. And I'm not sure what zone means. Zone? Yeah, it's Z-O-N-M-E. Maybe zone. There's a... Ah, non, Verlan, c'est un peu comme la maison, la zombie. Maybe zombie. Zombie des zombies. Ah, maybe. La zombie, la maison. Yeah. Oh, maybe there's a typo. Yeah, la zombie des zombies. Well, and plus I removed the accent when I do it. So I'll look it up, but it might be the house of the zombies. So très bien. All right. And if you want to follow the playlist, it's always on kfi.org. You can look on the upper right corner or on Twitter. Oui. KFAI playlist. You can follow it and see what's playing. All right. On y va. Eh bien, c'est parti. Fantôme adoré, mon vampire familier, j'aime quand tu viens pour me hanter. J'aime aussi le doux cliquetis, cliquetis de tes chaînes. Ça me ravit, ça me ravit vraiment. J'en ai connu des revenants, des has-beens d'Halloween, des cauchemars qui n'ont rien à voir avec tout ce que tu me fais voir. Qui étais-tu de ton vivant? Je veux dire, abandonne-toi après tout. Ça ne m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est toi maintenant, mon adorable. Fantôme adoré, mon vampire familier, j'aime quand tu viens pour me hanter. J'aime aussi le doux cliquetis, cliquetis de tes chaînes. Ça me ravit, ça me ravit vraiment. Tu as du chien,

toiletteuse, on voyait qu'elle aimait être amoureuse, et sa longue chevelure faisait comme une couverture, à peine un voile, maintenant sale. Tu marches aussi, sauf ton âme. D'ailleurs, tu fais tout pour me plaire. On peut dire que tu sais faire. Non, c'est l'air qui est libre. On est toutes Ah, comme t'es libre, oh, et comme t'es bonne. Le grand inquisiteur sentit battre son cœur. Le grand inquisiteur sentit battre son cœur. Sommet des zombies, wow. Sommet des zombies, sommet des zombies, sommet des zombies, wow. Ils sortent d'une autre planète, les mecs détiennent, fabriquent les manettes, les mecs. Je suis cette petite canette qu'ils vident et jettent par-dessus leur tête. Je te dis, ils font leurs petites emplettes, étranglent et étouffent nos petites planètes. Y'a quelque chose de vraiment pas net, mon dieu ne veut pas se tromper de target. J'ai des kilos de bastos, les crânes des marcheurs vont l'entados. Pour ta protection c'est gratos, tu ne peux pas survivre sans matos. Ressuscité dans le film, dans la zone des zombies, avec les chaussettes à paillettes d'MJ. Et je suis la star du movie. Il faut quitter la sommet des zombies. Sommet des zombies, sommet des zombies, wow. Sommet des zombies, sommet des zombies, sommet des zombies, wow. Je zigzag dans la zombie des zombies depuis que Aziz a quitté la zone. On fait la bise à bison qui yeux à l'horizon. Le zigzagueur de les effuter tel le bison. Du silex au laser, silex clos. J'ai inventé le tiède en laissant refroidir l'eau chaude. Il y a des vautours, des hyènes et des vampires. Il faut que je tienne jusqu'à l'aube. Allô, allô, l'état-major aux environs des zombies. Colonel, cololo, cololo, colonel, cololo, cololo, MC. En zodiac, je suis poisson. Ma voiture est bélier. C'est dans la sommet des zombies, sommet des zombies, sommet des zombies, wow. Sommet des zombies, sommet des zombies, sommet des zombies, wow. Il faut quitter la sommet des zombies, sommet des zombies, sommet des zombies, wow. Sommet des zombies, sommet des zombies, sommet des zombies, wow. Sommet des zombies, sommet des zombies, sommet des zombies, wow. Now that the kids are back in school, you want them to bring home their art pieces, science projects, and of course, good grades. What you don't want them to bring home is COVID-19. That's why it's vital you get them vaccinated as soon as they're eligible. Vaccines are proven to be effective against the Delta variant, and they're still the best way to protect your kids and everyone in your household. Ask your doctor if you have questions. We can do this. Find vaccines near you at vaccines.gov. Paid for by the U.S. Department of Health and Human Services. Et voilà, voilà, you're listening to Bonjour Minnesota on KFAA Radio. With Freddy. Yeah, and Romain. Et oui. And Romain. Romain. Like a little bit like the... Lettuce. The pasta. Oh, yeah. Yeah, mm-hmm. The soup, you know. Merci. Well, I don't know. I mean, I don't eat lettuce very much, or the ramen, or salad in general. So I was thinking about more about the noodles. Well, I'm super happy that I make you think of a noodle. Broken noodle. Or a plate of noodles. Yeah. Actually, noodle is, it's kind of like a derogatory term. Not very bad, but kind of not very nice either. When you call someone a noodle, is someone a little bit silly. Or, You're dumb. Yeah, on the light side. All right, so we just listened to Paris Combo with Fantôme Adoré. Then Rita Mitsuko with La Sorcière et l'Inquisiteur. And MC Sola avec Zombie des Zombies. Featuring Bambi Cruz. From his latest album, I think the latest he came out with in 2017, Géopoétique. I think we are ready to get another phone call. So if you give some money to KFAI or you want to give certificate from Barbette, the restaurant in uptown Minneapolis, just give to KFI.org. Because again, we can't call us. We can't take your donations over the phone. So you need to do it online before calling us. And then when you call us, we'll just take your information in order to send it to Barbette. But yeah, we need to have you give online. And if nobody gives tonight, we'll probably give it away on a we'll go all together. Have a beer. No, it's Barbette. We'll have wine. Yes. Yeah. See you. But I would have had a wine anyway. Yeah, anyway. So 612-341-0980 while the music is playing. So we're going to play another set of songs so you can give to KFI.org, then call us. Or if you gave already. If you already gave, just call us and we'll take your name and address and things like that. So we're going to listen to Soprano with a song called Halloween. What a coincidence. Yeah. It's featuring Alonso. It's from his album La Colombe et le Corbeau. Then we're going to listen to Julien Clerc with Macumba and Philippe Rousseau with Magie Noire. So Magie Noire is very 80s. You're going to hear it. It's from 86, but I remember it was a big success at that point. All right. C'est parti. 612-341-0980. And whether you want the gift certificate from Barbette Restaurant or not, feel free to give us at kfai.org to support us. On y va? C'est parti. Coupe sec. Ne me demande pas de rapper pour ta paroisse, ni de rapper pour tes palaces. Je suis venu faire le carouage, ouais, de ce rap dégueulasse. Je ne te parlerai pas de Gucci, ni de Versace d'Armani. Ils croient tous être à la mode alors que ce ne sont que des Eddie Betty. Non, je ne ferai pas le bandit, ça monte à la côte à Sarkozy. Non, je ne salirai pas l'image de la femme pour paraître crédible. Laisse-moi poser mes explosifs, juste au pied de leur effigie. Puis avec mes potes partir au bronzé tranquille sur les îles Fidji. J'suis pas venu faire du Bee Gees, avec mes potes de Street Kids. On est venu réchauffer ce bis qui est beaucoup plus franc que Mr. Freeze. Bien loin de leur showbiz, pendant que la ligne directrice de tous ces soi-disant MC est plus droite que la tour de Pise. Leur rap ce n'est pas comme un hobby, c'est pour qu'ils m'appellent pas Toby. Non, je ne serai pas leur brebis, et si tu ne m'aimes pas tant pis. J'suis pas là pour faire à ta Barbie, espèce de petit hobby. Fais gaffe à mon rap Wolverine, dégage-moi vite de ce ring. Ce soir c'est Halloween, ils existent pour des bonbons qui m'attirent. Bientôt ils prendront tout à côté. Let's j'hallucine. Dans les cartes, je suis une tapotie. Je débarque à la frère. Freddy Krueger avec des phases de boxeur. L'appétit d'Hannibal Lecter, le passager noir de Dexter. L'œil du tigre de Rocky, nos cas sont très larges de Rocco. Beaucoup plus sauvages que Orco, sous le lit de tes gosses comme Chucky. Apprends vite à marcher en Peggy avant d'écouter mes égoteries. J'espère que tu portes une coquille comme on rappe te lâche des Loki. Va coucher ta petite Dora, j'fais la magie noire de Pouta. Ne m'appelle pas Nakamura, ce soir appelle-moi mon rap te lâche des Mola. Ouais tu crois venu de Massilia, transforme ton rap Godzilla en petite Chantal Goya. Appelle-moi SSW, je suis venu défoncer la brode. Dis-toi que je serai le dernier à brandir l'épée de ma cléote. Oui mon rap est tellement sauvage que tes dents me serviront de bling bling. Il te fera tellement de dommages que tu finiras comme dans Shining. Je suis le killer de Jackson, voilà mec pourquoi t'as la trouille. Demande à mon poteau Jilson, ta tête servira de citrouille. Ce soir fais Halloween, ils déguisent pour des bonbons qui m'agissent. Bientôt ils prendront toute la protéine. Arraché de couronne à l'agression à Miami Beach. Ils se déguisent tous pour des chips. On les switch, j'ai les démons qui m'aguichent. J'ouvre le game au pied de biche. Fuck you 2011, si tu es là, tire-moi dessus. J'perds pas la guerre, j'ai trop la mort. J'suis dans les airs, à bout de nerfs, en bord de mer. C'est le ghetto, dans la tête c'est le ghetto. Partenaires, nos adversaires, ils périront tous pas sans ghetto. Dans le trou, j'transforme les leaders en little sur le coup. J'suis campéon et j'suis pris coup. Je me sens grand comme José Mou. Mais mêle-toi de ce qui te regarde, peux-tu péder? Je suis prolique, peux-tu péder? Sors ton prolique, peux-tu péder? Dans l'estime ou dans la guigne, la Zubrovska dans la boca, la Goloka, la Elohen, braquage vocal, ratatata, m'oblige pas à faire marche arrière sur toi, j'ai pété les rétros, les feux arrière. Tant qu'ils ne voient pas plus. Ils déguisent pour des bonbons qui m'agissent. Bientôt ils prendront tout la codéine. Laisse, j'hallucine. Dans les cartes, je suis une tracotine. Oh Broly, c'est pas ça, c'est là. Ils ont tapé à la porte, ils voulaient des bonbons. Le rap, c'est Halloween ou c'est pas Halloween? C'est ça. Halloween ou c'est pas Halloween? C'est ça, justement. Voilà. Il y a ton téléphone qui sonne. T'as une idée. Allô? Win? C'est trop. Ah, c'est mort. Ah, oh Broly, oh. Elle va me chercher. Oh, il est où ça, mon cou? Là, je veux plus le marbre. Oh putain. Entend, l'aveugle voit, et on dit que c'est grâce à toi, à ta musique qui bat, le mal s'en va quand tu es là. Sorcier de là-bas, sorcier de là-bas, le serpent parle, le vautour boit. Et on dit que tu fais tout ça pour libérer ce qui est là au fond de nous comme un magma. Sorcier de là-bas. Sorcier de là-bas. Macumba, Macumba. Magie noire et blanche à la fois. Macumba, Macumba. Ce soir, je crois en toi. Oh, Macumba. Thank you. sauvage comme autrefois. Et rends-moi bon tout à la fois. Ce soir, je crois en toi. Ta musique qui bat, qui bat. Sorti de là-bas. Sorti de là-bas. Macumba, macumba, magie noire et blanche à la fois. Macumba, macumba, l'amour revient, la mort s'en va. Oh, macumba. Entend l'aveugle voix, sorcier de là-bas. Le serpent parle, le vautour boit, sorcier de là-bas. Rends-moi sauvage comme autrefois, sorcier de là-bas. Et rends-moi bon tout à la fois, sorcier de là-bas. Noyez-vous. This is Matt the Bridge Troll from the Root of All Evil show. Want to have some fun and play along with your favorite DJ plus other KFEI superfans? Now you can. Join us anytime on our Discord channel at kfei.org/chat. Et voilà! Yes, we are back. And you're still listening to Bonjour Minnesota. On KFAI Radio. With Freddy. Yeah, and Romain. Et oui. And the show exists since the early 80s. Yeah, well, that was not with us then. No. No, because we were kind of kiddos. Yeah, and we were not even here. That is true. Yeah. The only, at that time, I think the only knowledge I had of Minnesota was Walnut Grove and Sleepy Eye from Little House on the Prairie. Oh, I watched too, but I didn't know it was Minnesota. I didn't pay attention. No, I... Well, but, I don't think I would. I paid attention at that time either. But I just remember those names. And one day when we, you know, started to come here, that's interesting. And I went to Walnut Grove actually. Have you? Yeah. Mm-hmm. Well, actually, I've been listening to the audiobooks of The Little House in the Prairie, and I think I listened to at least four of them. But I took a break, and now I'm listening to Game of Thrones. So, and I just finished book number two, which was 37 hours of listening. Oh. And I thought, well, I'm really into it now. Yeah. So I thought, what's hard for me is like if I stop for a while, I don't remember the characters and where they're from. Especially books like that. I mean, Little House, that's not a... It's pretty intricate, between the people and who's ally, who's not. And so the third book is, I think it's The Storm and the Sword, is 47 hours of listening. So, but it's shorter, but they just speak much more slowly. Yeah. No, I tried, like on this one, I tried to put it at 1.25 to see, and it was too fast. Yeah, I think the pace was not like natural and stuff, so... So we just listened to Soprano with Halloween, featuring Alonso, then Julien Clerc with Macumba, and Philippe Russo with Magie Noire, Black Magic. Mm-hmm. And Philippe Russo was really like a one-hit wonder. Yep. That was really a big hit back in the day. And I was looking at his biography while we were listening to the song, and he actually toured a lot with Marc Lavoine as his guitarist. Nice. Yeah. So, well, I can tell you that Georgette had quite a few Marc Lavoine. Mm-hmm. So he did. At least three or four CDs. Mm-hmm. She has lots of CDs, and she had... that's going to be a lot of work to rip them. And, well, at least you're not going to be bored in the next, I don't know, 3 years. You're not going to get bored. I was not bored already during COVID. Okay. So we're going to listen to more songs. We still have the gift certificate for Barbet. So if you give some money or want to give some money to kfi.org, you can call us at 612-341-0980 while the music is playing. And we have one more gift certificate from the Barbet restaurant in uptown Minneapolis of value of $50. Nice. If nobody calls, we're just gonna have to go party there. Oh, yeah. No, I think I'll put it on social media or something like that. Yeah. We'll see. We're going to listen to A.S. Dragon with a song called Sorcière. It's from the album Spanked. And I was unfamiliar with this band, but half of the album is in French and half is in English. And it's pretty cool. I mean, the album in general is pretty cool. Mm-hmm. Then we're going to listen to Charlie Couture with Les Fantômes Dansent. And then we're going to listen to Les Insus, which is with a lot of the former band of Téléphone. Yeah. Mm-hmm. And Les Insus is because, well, the portable, now the cell phones, the Téléphone Portable is insupportable. Yeah, wow. Yeah. Uh-huh. I was always Les Insus portable. Yeah. Yeah, maybe because they can't bear each other. Yeah, probably. And the name of the song is Le Vaudou est toujours debout. Le Vaudou is always up. It's still up. All right. On y va. And parti. Then after that, it's going to be Balkan Jamboree. We'll just come back to say goodbye, I think. Oui. Limite. quitter les bâtiments hypothéqués. Les fantômes dansent une danse vivée sur la moquette arrachée ou sur grand tapis replié. Les fantômes volubiles évoluent dans cette maison froide. Mes amis sont partis dans l'espace abasourdi. Emprunté, disait-il, mais un jour il faut rembourser. Faut passer à la caisse, coûte que coûte, il faut payer. Il est mort assassiné par une traite intraitable, une échéance de banquier. Les cordons dessoudés, les sièges cassés. Les fantômes dansent dans le château de Vénus. Il ne reste plus rien que le silence. Le piano emballé, les amplis débranchés. Les objets traînent par terre, recouverts de poussière. Y a plus de place pour la bonté dans notre société. De profits sans pitié. Les ectoplasmes règnent dans des spots sur les décombres des pays ruinés. Les fantômes dansent, les fantômes dansent. Et voilà, it's almost 10, so it's time to say good night. Bonne soirée, bonne nuit, and we'll be in the studio for you next week. Exactly. Tuesday, from 8 to 10. And if you miss one of the show, they're all recorded. They're on the website, kfai.org, where you can give money, but you can also look for Bonjour Minnesota, the schedule. And then, yeah. And yeah, then you can listen to the recording. Otherwise, on archive.org as well. All right, we're going to leave you with Les Insus and Le Vaudou. And then Balkan Jamboree. With Nikolai.